Salam alaikum wa rahmatullah Fanny. Donc, on est arrivé à Yaoundé à 3h du matin. On est parti à l'hôtel. Bien sûr, on a prié. Puis ensuite, la journée a commencé vers 10h, 11h où on a mangé. Ensuite, donc petit déjeuner. Ensuite, on est parti faire la khutbat al-Jumara de Younous à la mosquée Abou Bakr Siddiq, dans un des quartiers de Yaoundé. Ensuite, donc on est parti manger. Là, Younous est parti à la radio pour faire une émission où il va raconter sa conversion. Et nous, on est parti visiter l'école de Emana, la mosquée école de Emana, qui soi-disant n'existe pas. Donc, elle va bien exister puisqu'on va la visiter. Voilà. Et puis, a priori, après, on va visiter un des nouveaux projets live qui seront présentés en exclusivité au workshop 2015. On va leur présenter à eux si la pluie ne tombe pas. Parce qu'il pleut en fin de journée, comme c'est la saison des pluies. Et ce soir, on va faire un bilan et Younous va faire un dars à la mosquée des étudiants, là où tous les étudiants prient, et toute la team life et tout le monde va assister au dars. Donc si je peux, j'enregistrerai l'audio et on mettra un player pour que les gens puissent écouter la conférence, Inch'Allah. Ok Fanny, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez, Inch'Allah. Assalamu alaikum.